L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Prochainement à l'affiche, eh bien nous allons parler avec Alain Moget de ciné-concert. Alors au départ je disais un ciné-concert, non, j'y prête un peu plus attention puisque j'ai indiqué L'Inconnu et Bessie à Broadway, deux films qui marquent l'âge d'or du cinéma muet, et donc il s'agit d'un double ciné-concert, Alain Moget. Absolument, un double ciné-concert, et vous parlez d'âge d'or. Cet âge d'or, on peut le situer entre 1920 et 1930, et ils sont respectivement de 1927 pour L'Inconnu et 1928 pour Bessie à Broadway. Et ce sont deux ciné-concerts qui s'appuient sur des films de réalisateurs tout à fait exceptionnels et qui n'ont vraiment aucun rapport, ce qui est l'enjeu de ce super ciné-concert en quelque sorte. Donc vous êtes un funambule finalement, puisque comment se crée le lien entre ces deux films ? Eh bien, Funambule est très bien choisi. Mmh. Merci José, puisque le premier film se passe dans un cirque, qu'il a été réalisé par Todd Browning qui a fait Freaks, vous savez, la monstrueuse parade, un film très dérangeant et tout à fait insolite, presque unique dans son genre. Cependant que le second film se passe dans un théâtre, enfin on dirait dans deux lieux de théâtre, un à Broadway et un dans une compagnie itinérante. Du musical ? Et oui, il y a une partie musicale tout à fait à Broadway, c'est tout à fait ça. Et il est réalisé par, un des réalisateurs les plus gracieux fournis par les Américains, qui est Frank Capra. Donc retrouver, réunis ensemble, donc, à la fois Todd Browning et Frank Capra, c'était un enjeu qui me paraissait intéressant parce qu'ils parlent tous les deux, finalement, du spectacle vivant. Dans ces deux films, on voit des spectateurs, et que la première chose qui m'a frappé, c'était ces plans de spectateurs qui rient, de spectateurs qui sont attentifs, de spectateurs qui sont massifs aussi et qui ont l'air passionnés. Voilà. Mmh. Et pour moi, c'était une question essentielle, surtout posée par le deuxième film, de cette vieille question qui n'est toujours pas résolue entre un théâtre, la variété des genres, la variété des formes, la variété des professionnalités, etc. Alors, quand je dis double ciné-concert, je dois préciser à nos auditeurs qu'il ne s'agit pas de reproduire une musique qui existe déjà, puisque vous avez travaillé vous-même sur une musique originale. Oui, tout à fait. Pour faire le trait d'union entre ces deux films ? Alors, le trait d'union, c'est que c'est le même compositeur et les mêmes musiciens, c'est déjà une chose, mais évidemment, ils sont très différents comme ambiance. Hein. Il y en a un qui évoque ce cirque avec dont la vedette principale est un homme sans bras qui lance les couteaux avec ses pieds, homme sans bras joué par Lon Chaney, qui est un admirable acteur et qui a comme complice John Crawford, qui elle a fait une carrière beaucoup plus longue puisqu'elle n'est pas morte prématurément, et que tout le monde connaît. John Crawford, elle a joué avec Clark Gable, enfin bon, c'est une célébrité. Et je ne sais plus quelle était votre question, c'est assez horrible. Musique originale. Ah voilà, voilà, très bien. Et la musique était forcément originale, puisque déjà, je ne sais pas s'il y avait une musique qu'on a retenue de l'époque, mais ce que je cherchais à faire, c'est effectivement entrer, j'appellerais ça, dans l'épaisseur de l'image. C'est-à-dire que le point commun de ces deux films, c'est que la musique ne soit pas un simple accompagnement, qu'elle ne soit pas dans la surface. C'est ce que vous appelez par ailleurs donner une fonction dramaturgique à la musique ? Absolument, une fonction dramaturgique. Et quand je parle d'épaisseur de l'image, c'est au fond, ça reprend aussi un texte tout à fait remarquable que Pasolini avait écrit sur la musique de film, où il arrive, je crois, en une page et demie à dire à peu près plus que toutes les thèses ont pu être écrites sur la question. Il parlait de la dimension dramaturgique, effectivement, de la musique, mais qui rendait sa poésie au cinéma en restituant la fameuse profondeur de l'image, qui est une illusion. Et donc là, travailler sur l'épaisseur, c'est-à-dire retrouver à travers ces images la vie qui n'est plus là et qui est cependant là, car c'est vraiment la révolution absolue que constitue le cinéma, c'est le seul art qui nous donne cela, et en la retrouvant, essayer de faire en sorte que ces acteurs, ces spectateurs, ces gens qui sont à l'image, et nous-mêmes, qui les regardons, qui entendons la musique, qui voyons les images, nous soyons d'un seul coup contemporains. Alors, pour cela, vous n'êtes pas seul. Vous êtes certes à la direction musicale comme compositeur et pianiste, mais il s'agit d'une partition, voire de deux partitions, pour flûte, violoncelle, piano, percussion et voix. Voilà. Alors, d'une part, je vais immédiatement citer nos excellents musiciens qui travaillent vraiment beaucoup sur ces partitions, parce que, non seulement parce qu'elles ne sont pas forcément très commodes, mais parce que ça a un sens au-delà de la musique, de se demander pourquoi on fait cela. Donc Thibaut Verbe, qui est au violoncelle, et Aline Cheminade, qui est à la flûte, et avec qui j'ai travaillé, bon, c'est la troisième fois que nous travaillons, et d'ailleurs à l'apostrophe avec eux, je rends hommage et remercie et l'apostrophe et son directeur ici présent. Bien évidemment aussi, puisque c'est la troisième fois que nous le faisons avec chanteuse, Natacha Moget, qui est d'ailleurs ma fille, et Mylène Padoan, qui sont au chant, mais aussi aux voix, aux effets divers et variés, de percussions, etc. Et Mylène Padoan joue un rôle aussi de conseillère artistique. Alors on se permet ce que ça veut dire, conseillère artistique. Là, c'est une chose très précise. Ça consiste finalement à la fois à ne pas tomber de la chaise ou tomber dans une ornière. De temps en temps, on a besoin de quelqu'un qui vous dise, bah, finalement, ça serait peut-être bien de ne pas faire comme ça, mais de faire autrement. Et puis aussi de faire des choix, parce que quand vous avez composé une musique dans l'esprit de ce que je viens de vous indiquer, vous avez souvent plusieurs propositions musicales possibles sur une même séquence. Eh bien, le dialogue avec la conseillère artistique pour finalement décider non pas tant celle qu'on va choisir que celle qu'on va abandonner, c'est quelque chose d'essentiel et qui permet d'avancer. Alors oui, précision. Ça, c'est Mylène Padoan qui joue ce rôle. Une précision pour ceux qui nous écoutent. Vous n'en êtes effectivement pas à votre première création, à ces premiers ciné-concerts. Fort à la fois d'une passion et d'une expérience qui ne date pas d'aujourd'hui. Compositeur, pianiste, vous avez connu pendant une quinzaine d'années une expérience approfondie pour l'écriture et la réalisation musicale pour le théâtre. Est-ce que ça aide justement si, quand on propose à la scène nationale, eh bien, des ciné-concerts comme ceux qui seront à voir les 26 et 27 janvier prochains? Oui, d'abord j'ai un goût particulier, une relation dès mon plus jeune âge avec le théâtre, qui pour moi est une forme centrale, essentielle, incontournable, etc. Mais aussi avec le cinéma. Et j'ai toujours cherché à voir ce qui réunissait, ce qui permettait de faire des ponts, plutôt que de vouloir à tout prix exister en étant différent. Et en l'occurrence, il y a un point commun entre le théâtre et le cinéma, au moins un point commun, qui est la question du corps. Et je trouve qu'à la radio aussi, j'ai toujours beaucoup aimé la radio, parce que la question du corps y est posée en permanence, précisément parce qu'on ne le voit pas, et il est présent. Et voyez-vous, le cinéma muet, c'est un peu l'inverse. On voit le corps, mais on n'entend pas la voix. Et dans les deux cas, on travaille sur une absence que l'on peut artistiquement restituer. Eh bien, la question de dramaturgie, c'est le point commun que l'on trouve dans la façon dont les corps s'articulent et s'organisent dans l'espace et dans le temps, aussi bien au théâtre qu'au cinéma. L'idée, dans les deux cas, c'est qu'on ne doit pas faire de la musique redondante, mais on doit faire une musique qui est le fruit d'un engagement artistique, d'une proposition, et également appliquer le principe de notre ami Brook, le diable, c'est l'ennui. Peter Brook. Oui. Eh oui, il faut. Peter n'est pas qui veut. Autre passion, et ça se ressent effectivement dans tous vos choix, y compris parce que il y a un choix qui est exercé par vous au niveau des films. Vous avez non pas hanté la Cinémathèque à Paris, mais en tout cas, vous avez eu l'occasion de vivre un véritable compagnonnage avec la Cinémathèque. Oui. D'ailleurs, c'est intéressant parce que j'avais travaillé pendant 15 ans sur le théâtre et c'est en un an que je suis passé sur le cinéma muet. Autrement dit, toute mon expérience du théâtre m'a permis d'un seul coup d'être un interlocuteur artistique, musical pour la Cinémathèque française, donc avec qui j'ai travaillé pendant plus de 20 ans. D'ailleurs, nous ne sommes pas ennemis aujourd'hui. Hein. Et effectivement, je crois que c'est aussi une fréquentation assidue du cinéma muet, puisque c'était pour cela que j'étais là, hein, c'est pour accompagner les films, qui m'a donné sans doute une relation très particulière à ces êtres pour lesquels j'ai un amour fou que j'ai envie de faire partager au public. Et de la manière la plus agréable possible. Deux occasions seront proposées justement à ce public de Cergy-Pontoise, du Val d'Oise et des alentours, le jeudi 26 janvier à 14h30 et le vendredi 27 janvier à 20h30 à l'apostrophe. Théâtre des Arts à Cergy Centre. Alors, précision, il s'agit d'une nouvelle création, 2016-2017, que cela est présenté dans le cadre du Festival Périphérique, Festival des Arts Mêlés, pour sa 13e édition, et que ce spectacle sera également repris le vendredi 10 mars prochain à 20h30 à l'Orange Bleu d'Aubonne.